Nous sommes donc ensemble dans la cathédrale Saint-Étienne. Non, c'est pas vrai, j'arrête. Nous sommes donc sur les ondes du 92.2 Canal Sudien à Toulouse, au 40 rue Alfred Duméril, dans le quartier Saint-Michel. Et nous avons la chance d'accueillir ce soir une guitare donc, qui va nous interpréter une ode à soi. Et en ceci que c'est une œuvre non écrite et improvisée. Voilà. Écoutons donc. Tout d'abord, la première étape étant l'accordage, délicatesse, donc délicatesse de l'accordage, tout en point nommé, nous allons donc... c'est très important d'accorder. Ça, c'est l'accordage à peu près brut. On va maintenant affiner. Vous entendez donc derrière moi des rires et des sourires, toujours là. N'oublions pas le sérieux de cette histoire, donc. La gravité, donc. Alors, l'accordage, parfait. Je vais pouvoir donc discuter avec cette guitare pendant toute la soirée en espérant vous ennuyer au plus profond de vous-même, étant donc participant à l'émission Nuisance, l'émission qui nuit au sens. Thank you. symbolisé par un trait final. Marqueterie. Marketing. Toujours. Oh, cette belle sonorité de casserole que j'aime. Notez l'inharmonique B7. 12, 23, 48, B, 12, 4. Allez, encore une fois, tout avec moi. Tous avec moi. Vocation pour déterminer le déterminisme actuel et flagrant. Quoi. Je veux dire flagrant, con. Le conflictuisme actuel, donc c'est une remarque qui n'a rien de. Thank you. son du crissement de faim. Presque. Honneur aux Grecs et les Japonais aussi. Honneur à eux qui furent un peuple heureux dans le temps, avant qu'on vienne avec notre bombe et qu'on éclate leur gueule. Maintenant ils sont heureux en enfer. Ouais, cool, je vais pas dire ce que je pense. Si je dis ce que je pense, les gens vont croire que je dis le contraire. Alors qu'ils sont bêtes, les gens. Est-ce que c'est les Japonais qui sont bêtes ou est-ce que c'est les gens qui sont des Japonais? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux dire que les gens c'est pas des Japonais, t'sais? C'est ça que tu veux dire? Eh bien les Japonais plutôt des gens. Des gens bons. À l'inverse du gens con. Jambon, la viande. Myself sniffing glue. Every dispassionate time I do it, I hear myself do it. Sniff, sniff. I love glue. I love fish glue. Horse glue. Guano glue. La colle d'iguane me colle aux cheveux comme une bonne crème dépilatoire des cheveux. Elle m'arrache le poil et j'ai mal. Je souffre tellement du crâne. Chouette frère Jacques, dans ta tunique bleue tu sens des pieds et tu te dis que c'est vraiment la vérité. Oui, vous êtes sur une radio qui ne pense pas aux autres, elle torture ses auditeurs, faites le savoir autour de vous, tuez-les tous les uns les autres. Extraterrestres. Dans la machinalisation. La machinalisation est la clé du succès. Machinalisons. Nous sommes des machines. Enfin, nous avons atteint le stade ultime. Nous allons mourir comme des machines bien heureuses. Des machines de bonheur. Sur des tripes, des cadavres. En amont de Laval. Tu la vois là, celle-là ? veux la voir? Dis-moi, tu veux la voir? Est-ce que tu veux voir celle-là? Est-ce que tu veux la voir celle-là? Celle-ci peut-être. Tu veux la voir celle-ci? Tu veux voir celle-ci peut-être? Oh mince, que vas-tu dire maintenant? Après l'avoir vu, aucune ennemie, je n'ai rien vu, c'est ça. Vous êtes des menteurs, tous autant que nous sommes des menteurs. La vie est belle parce que nous sommes des voleurs et des menteurs, et que nous sommes heureux de vivre à côté des dieux, car nous sommes eux-mêmes, et nous avons personnifié la personnification de longtemps, longtemps avant vous. Petit mécréant, ville et placide, altérité. Placide altérité. La platitude, même que je l'entends, elle est autour de mes dents, pourrie par l'agneau et le travail forcené. Oh, que je me forcenais le travail. Oh, je me le force vraiment dans le nez, le travail. Faut que je travaille sur mon nez forcé. Forcez-moi le nez. Oui, le nez, prenez mon nez, forcez-le. Forcez-le à prendre le travail. Dedans, dedans, tout dedans. Dedans, dedans, tout dedans, tout dedans. Le travail, le travail, dedans. Dedans, le travail, du dedans. Du dedans, du dedans, du dedans. Le travail, le travail, le travail, le travail, le travail, le travail, le travail, le travail, le travail, le travail, le travail, le travail, le travail, le travail. Dans le dedans, dans le dedans, dans le dedans, dans le dedans, dans le dedans, dans le dedans, dans le dedans, dans le dedans, dans le dedans. La mort abrite un soleil pour ceux et celles qui voient en l'avenir une solution dernière. Absolue transparence de l'immaculé incongrue situation donnée est toujours celle du passager. D'un fou maniaque susceptible de tuer la société. D'un coup de ciseau tranché à la gorge jugulaire. Oh, jugule. L'air. Oh, que l'air jugule. Thank you. I don't wanna know, I don't got the right to know. Subhuman, subhuman, subhuman. Le blues du subhumain, subhumain, sous-humain, en pensant à ma mère donc et à mon père et à tous les autres sur terre. Oh, ça rime. Ça rime avec deux mères. Oh ma mère, oh mon père, pourquoi m'avez-vous fait moi de mère? Oh ma mère, oh mon père, pourquoi m'avez-vous fait si de mère? Oh ma mère, oh mon père, pourquoi m'avez-vous fait si de mer et si qu'éblo? Merde, merde, qu'est-ce que j'ai dit? Je vais plus le redire, comme ça j'arrêterai de dire ce que j'ai dit. Et quand j'aurai dit ce que j'ai dit et que je le redirai encore et que j'aurai malheureusement redit ce que je ne devais pas redire, je vais repartir sur un écran doré. Toujours un bonheur dans le pré, celui des bouses de vache qui fondent au soleil en craquelant et martelant contre les abeilles qui virevoltent autour. C'est bien des abeilles qui virevoltent autour des bousses de vaches dans les prés, ça sent bon. Le soleil, ça sent bon, le soleil, les bousses de vaches et les prés, ça sent bon, les bousses de vaches. Après un soleil ardent, je vais me calmer sur un air optique, bien placé dans ton fric. Je ne vois toujours pas où as-tu rebiqué là-bas. Au poil, partout sur mon corps. Pourquoi ne brûlez-vous pas encore? Comme tous les matins, je brûle de vous voir disparaître. Disparaissez avec la cire épilatoire faite par moi-même et labellisée par des gros riches bars qui ont plein de thunes et que je vais tout de suite m'empêter de soutenir par la publicité, la fameuse propagande capitaliste au marché tico. En boucle, on dirait, y a un truc qui se passe tout le temps qui veut pas s'arrêter. Je vous rappelle donc le thème de ce soir, c'est guitare, dans nuisance, l'émission qui nuise au sens. Quelle fatigue dans ces studios, la chaleur est implacable et le froid est absent. Comment vous parler? Une absence de froid en plein mois d'avril. Comment on va faire? C'est sûrement les radiations de tous les appareils numériques qu'il y a dans ce studio qui me font me caloriférer. Me charger en calorifères. Comme le ferrugineux ou l'alcool. J'ai chaud. Et en passionnant, donc toujours l'obscur, antisme, entité, de l'absurde, incohérente et déraisonnable action. Les fourmis sont dans le pied, ce que la nuptiale était la marche chambrique. Alors bric-broc, c'est pas du toc, c'est de la pure de mer. Je vous assure, si, vous risquez de ne trouver que des obscurités. Vous risquez de ne trouver rien. Vous risquez de ne rien trouver. De trouver le rien en tout. Vous risquez de vous absoudre et de croire en vous. Vous risquez de turn on the channel, on the on channel, on the channel, sur la chaîne. Allez, on ne peut plus la chaîne, le boulet de canon toujours à traîner partout en clinquant. Ah. Avec Joe, comme ça, sans compter en langage, gold, order, I want to find there, star, it's the subtle passion of the glory and everything else. I was suddenly talking and lisping the language of all lispers, listeners, auditeurs, auditrices. Vous entendez donc une nouvelle langue créée pour vous par les extraterrestres qui ont pris possession de mon corps pendant un long moment, je vois. Donc je ne savais pas où j'étais. J'espère ne pas avoir fait de bêtises sur la voie publique, Sinon, je risque d'être expulsé ou d'être dénigré de mon rapport international de nationalitarisme. Et donc, toujours une absence éisme. Donc, comme je vous disais, oui, donc cette absence était donc incréée par une force extérieure, donc en moi. Celle d'extraterrestres, donc qui ont pas pris la possession de mon cadavre en ambulance, dans l'ambulance, jusqu'à mon dernier trésor. J'ai apprécié de ma vie, ça y est, je suis mort. Ah. Mince, je ne devrais pas plaisanter avec la mort, si proche et si loin à la fois. C'est un peu comme l'amour, quoi, mais sauf que c'est la mort. Pas presque, quoi, je veux dire. C'est presque comme la mort, mais pas tout à fait, quoi. Bon, alors, comme je vous disais, donc une harpe celtique pour vous ce soir, non, je plaisante. Une guitare, tout ce qu'il y a de plus sec, sèche, pardon. Pour vous ce soir, pour accompagner donc le silence de l'émission Nuisance qui nuit au sens. Donc, comme quoi, tout peut devenir instrument de nuisance dans l'émission Nuisance, celle qui nuit au sens. Sur ce prout, un instant de bonheur, enfin. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Quand est-ce que je pourrais enfin dire des insanités, vraiment des vraies? Oh non, mon Dieu, quelle est cette loi? Encore des bilatates et tout, je te merde, je sais pas dire. Ah, et puis rien, si c'est comme ça, on reste là, comme ça, ouais, vaut mieux. Ouais, vaut mieux mettre ça sur le tapis. Ouais, c'est ça qu'il faut faire, mettre ça sur le tapis. Faire encore et encore jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de tapis. On se l'avait mis dessus. Le tapis, je veux dire. Tu comprends? Je veux dire, c'est que le tapis, il est beau, tout neuf, que quand il s'use, ben on se demande pourquoi on l'a acheté, pourquoi on nous l'a donné tout usé. C'est dégueulasse. Notre option, c'est que le tapis acheté chez Ikea est moisi par la tropicalité de nos climats azurés dans 2-3 ans. À peine que on n'a même pas chaud aujourd'hui, et alors que c'est vraiment pas longtemps après l'hiver. Finalement, on a bien fait de changer d'air, comme ça on a l'impression qu'il fait froid. Ou à poil de ventre. C'est donc un accordage en ré bémol mi 6-7 par extension P 288 AX-Z. de H. Nous passons au MZX Dead, ainsi va la vie, qu'à la fin elle ne se brise qu'en écharde, point à la ligne 2x98, point à la Z, à la Zeb, la balade des gens tristes, des gens tellement tristes de la vie, la balade des gens tristes dans la vie. Balade dans les gens tristes dans la vie, dans la balade des gens tristes dans la vie, dans la vie des gens tristes. Ouais, on est des gens tristes, on n'est pas des gentils. Qui dit ça? Quelle importance, allez, imaginons. On est des gens tristes dans la vie, on n'aime pas faire la fête. Pour oublier nos soucis, tout ce qu'on veut c'est de l'argent pour pouvoir faire la fête. C'est pour ça qu'on est des gens tristes et qu'on est efficace au taf. Le taf c'est pas pour les gens tristes, le taf c'est pour les jambons, les jambons, les jambons. Même que j'y crois, que j'y ai cru aux jambons, et j'en suis un jambon. Un jambon qui est cru, et je crois aussi que je vais bientôt dober la mort, parce que j'ai pris la retraite il y a 2 mois, et que je fais rien de ma vie, parce que j'ai rien à faire d'une vie triste comme la mienne. Ouais. Alors, prout sur la vie, prout sur tout ce qui veut dire vie, à part peut-être mort, mais ça veut pas dire vie, ça veut dire mort. Alors quand je te dis vas-y, ouais vas-y, quand je te dis fais-le, ouais fais-le, là, fais-la, oui fais-la. Et quand la constellation des azurs me dit, toujours pernicieuse réactivité, speak in English a little. Yeah, I don't give a damn about love. You hear what I'm saying? I don't give a damn about love. I don't have to die. I hope so too. Damn it, have I said this again? I said this again. Stupid dumb shit and I don't care about it. Yeah, I'm a stupid dumb shit and I don't care about it. I'm a stupid dumb shit. Yeah, I don't wanna care about you, so you go to me to go do. La gada boo, gada gada boo, da da da do, di do go do go do. La gada boo, me gada boo, gada boo, gada boo, gada boo, gada boo, gada boo, gada boo, gada boo, gada boo, gada boo, gada boo, gada boo, gada boo. Ouais, allez, tout le monde avec moi. Allez, tout le monde avec moi en enfer. En enfer, restez en enfer avec moi. Vous êtes les plus forts de rester en enfer avec moi. Ouais, moi. Ah ouais, c'est cool, je suis pas tout seul dans ce monde. Oh, d'enfer, oui. J'aime l'enfer, et tous avec moi. J'aime l'enfer, l'enfer, j'aime. Vas-y, donne-moi l'enfer, ouais. Vas-y, ouais, ouais. Vas-y, ouais, ouais. Je suis un sous-humain. Je veux un enfer, je suis un sous-humain. Je veux un enfer sur terre. Je veux un enfer sur terre. Je veux un enfer sur terre. Parce que je suis beau aux yeux du Seigneur. Et que je veux vraiment la peine de foutre en l'air l'existence de bienheureuses créatures telles que moi. Entendu, j'ai dit Prout. Ouais, tu veux que je dise encore, ouais, tu veux que je dise encore Prout. Prout, t'entends. Oh ouais, tu crois pour un enculé, que c'est grâce, je veux dire. Moi j'en suis pas un, tu vois, Prout. Parce que j'ai pas à dire de mots qui sont salaces. Et je suis un imbécile d'être vraiment stupide et vraiment bête. Je veux dire te baisser, ça je peux le dire. Peut-être c'est interdit de faire l'enfant, faut que je me renseigne. Ouais, faut que je me renseigne. Mieux, faut que je me renseigne. Mieux que tout le monde. Comme ça je serai le maître du monde. Et j'en ai rien à faire des crépuscules dorés. Je préfère une aube à la réalité. Oh, que j'ai dit. J'ai dit une belle phrase qui veut rien dire, super. Chouette, il y en a plein comme ça, tu vois. Tu es l'azur bleuté de mes yeux enfarinés. Ouais, ouais, tu es l'azur bleuté de mes yeux enfarinés. Quand je te vois comme ça, tu brilles dans mes yeux enfarinés, tu vois. Je t'aime tellement l'amour. Oui, je t'aime l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, destruction totale et oblitération complètement intransigeante. Une émotion qu'on appelle l'amour. C'est pas naturel, faut se forcer, c'est chiant. Ouais, alors je détruis tout, parce que ça me fait plaisir. Je suis le héros de cette histoire et je suis un bioman, un XOR de plus. Complètement robotisé par les radiations radioactives. Ouais, je vais bientôt crever dans le cancer atrophié de mes pieds. Et je ne sens plus mes fourmis dans mon azur bleuté. Oh, yeah, yeah, yeah, oh yeah, oh, oh yeah. C'est plus important la voix, vous entendez, yeah, que l'accompagnement. Attendez, je vais jouer avec le finger picking technique avec les doigts, on fait un jeu avec les doigts. Technique fine, c'est la lune, oh, subtilité, oh, du toucher, tactile. On peut même faire du tapping, yeah, tapping, une technique inventée par Master, je ne sais qui, je me souviens plus. Sûrement un disciple de je ne sais quel autre artiste. Tapping, inventé donc par cet artiste que je disais, donc je me souviens plus de son nom, c'est dommage. Oh mince. Oh mince, je ne serai donc pas une émission didactique ce soir pour vous, ni donc directicielle. Je ne vous expliquerai donc pas la situation comme elle est. Sur l'atrophie. Mince, j'ai craqué. Je dois vraiment être un imbécile pour craquer autant. T'es un imbécile humain. T'entends, t'es un imbécile humain. Tu vas crever, ouais. Ouais, je sais, bon, merci, merci. Yeah. Donc ce soir, le thème de nuisance, c'est même avec une guitare et une voix, on peut faire vraiment, vraiment du mal. Du mal aux auditeurs, aux auditrices, allez. Wouh. Ouais. Wouh. Wouh, ouais, vas-y, continue, ouais, c'est super. Ouais, une harmonique. Oh, il m'a niqué l'harmonique. Oh, j'ai plus de leeway, I'm going away. Oh, oh. Je sais pas si je peux revenir. Je suis en train de craquer complètement. Je suis en train de devenir fou. Oh yeah, fou d'amour. Pour la musique, pour la belle musique. Oh oui, j'aime la musique. Oh oui, j'adore la musique. Prends-moi la musique. Oh, prends-moi par derrière, par devant, sur le côté, en travers, partout. Je te veux musique. Oh oui, prends-moi. Je suis à toi, musique. Passe par moi. Oh, passe par moi. Langage. Je n'y comprends rien. Je n'y comprends rien au langage musique. Ah, je préfère le langage bruit. Ça, je comprends. Langage bruit. Va toucher mon mat. Flac. J'ai mal au crâne. Arrêtez. Révisez mes gammes. I'll go away if you want me to go away. I'll just be turned off. It's a stupid radio show. It's the stupidest radio show of all. The one without the humanity. Oh no humanity in this show. We don't want to be happily ever aftering the shiny butters of butt cheeks and flavored anchors, do we? No, we don't. We don't want to do that. We don't want to do that. So we're not going to do that. I mean, like, you know, there's something else to do. Et je suis bloqué sur un accord doré qui me semble si beau et si immaculé. Oh bon, c'est bon, j'arrête. Vive la musique, mais là, vraiment, je préfère le bruit. Voilà, c'est fait. Allez, je retourne à la musique. Oula, budi, du, du, du, du, du. Allez, on va réaccorder la guitare, mais cette fois de façon plus traditionnelle. Voilà, donc je vais vous interpréter Je vous interdis en finger picking. Je suis désolé de m'emporter autant. Et deuxième partie maintenant. Voilà. Barman, ça m'a du pain et de l'ail, un peu de beurre, de l'huile d'olive, encore mieux. Oh, et des anchois, et des olives avec des anchois dedans, c'est trop bon. Oh oui, oh oui. Oh, barman, ça m'a de la bouffe. Barman, ça m'a de la bouffe. Et toi, restaurateur, sans moi à boire. Oh, restaurateur, sans moi à boire. Et toi, là-bas, qui ne fait rien, viens me voir. J'ai plein de faf, j'ai tout piqué, les ronds des faf, et je leur ai pris toutes les thunes. Donc viens me voir, et on va leur rendre petit à petit, les faire trimer pour nous, comme ils nous ont fait trimer pour les thunes. Ouais, on va se manger un jour, mais seulement quand ils seront morts. Ouais, chouette, on peut toujours compter dessus. Sonore d'une pièce non intitulée pour l'instant. Je vous dirai peut-être pendant le... Je ne sais pas. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Star du porno. Je suis un star du porno. Se mange dans ma chambre avec ma main. Ouais, j'adore ça. Me branler en imaginant être une star, oui, du porno en plus, c'est génial. Je kiffe ma vie, ma race. Vas-y, mon pote, habite. Laisse-moi filmer ta bite toute la nuit. Oh, c'est chouette, merci, mec, bande. Les bandes, sac à merde. T'entends ce que je te dis? Plus fort, bande plus fort. Ouais, c'est bien. Prends quelque chose, je sais pas, n'importe quoi. Prends-le. Oh, bandé. Bandé, sac à foutre. Allez, vas-y, bande. Bande. Bandé, bandé, bandé, bandé, bandé, bandé, bandé, bandé, bandé, bandé, bandé, bandé, machine. Ah, bandé. Ouais, bandon. Bandon, ouais, tout centrique. Disons donc par les mots et par les notes. Ah, je vais vous faire une chanson, ça s'appelle Sweet Dreams, il manque une corde, alors ça fera. Ah, attendez. Ah oui, voilà. Ah, j'ai du mal à me repérer puisqu'il manque une corde. Voilà, c'est ça. La Gucci, la Gucci, la Gucci, pour qui la bonne idée de Gonoche, Or le midi la mer du tournage de l'Ochita Cotorco. La la la la, cette chanson avec Helvet ou je ne sais quoi, français, quoi. Française, cette chanson française. Là je suis en français et je fais de la chanson française à texte. La la la la la la la la la la la, je suis un chanteur à texte, à texte, dans un pays à écrivain, oui. Et nous chantons des chansons, la la la, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Nous les écrivains, les chanteurs et chanteuses et écrivaines. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Bon, après ça, donc c'était une interprétation de Frère Jacques, mon doux Seigneur, tu es la bonté de notre cœur, et toujours l'azur bleuté sur l'émancipatoire inactivité de la vérité, j'avoue, ce soir, je n'ai fait que vous mentir, j'espère que vous avez bien compris. Oui, la beauté est belle. Tous avec moi là. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Pizzas, a double order of cheese. I'd like a Super Jack and a Haro on my end, man. Bon, ceci est ami. Là. La, la, la, la, la, sol, sol, si, mi. Ah, excusez-moi, j'ai coupé le micro pendant une seconde, on n'aurait pas dit, mais en fait, si, si, si, c'était ça. Oui, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, quel summum de vérité et de tangibilité. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, traditionnel occidental. I hope it's not dumb shit, motherfuckers. I hope it's not dumb shit, motherfuckers. I hope it's something else, but dog, don't be horny. I don't wanna know. Sonny motherfuckers, T-Ag, and all this shit, Phillips. Well, I don't care. Fuck him, fuck you too, you bloody stupid motherfuckers. I got blue, blue, blue, blue. Si vous n'avez jamais vu ça, ceci donc est. Joke, l'immerque neuf et check, et l'immerque ni fin ni cake, nous coûte les pites à perque. Chitty pite à la pine porco, la qui mort qui n'a pas la chitique. Oh la putière que tu en ton canard, et nous mon regard n'y comprend rien. Voilà, c'est bon, vous avez compris, la langue française est une belle langue, une langue qu'on peut imiter. À foison, tire l'arigot, jusqu'à aboutir à une séquence séquentielle donc de conjonctions alternatives. Regardez, écoutez, je vais vous montrer. La première, c'est celle-ci, donc un la, la, et ça, c'est un la aussi. La, vous voyez la différence? Ouais, et c'est pas accordé, c'est pour ça. Dès que j'aurai accordé, il n'y aura pas de différence. Enfin, à part. Ah, attendez. Ça, si je fais ça. Voilà. on y est presque. La la la la la la la la. Ceci est donc une technique pour apprendre à jouer de la guitare sans savoir aucune base, quoi que ce soit, pas de base. Il nous faut un instrument, si possible pourri, pour faire un son pourrave. Et donc je vais vous montrer, regardez, vous prenez dans la main que vous voyez, donc ne pas apparaître, vous prenez donc l'instrument et vous faites ceci avec l'autre main aussi en même temps, tout en maintenant l'instrument fermement ancré dans le sol, dans son ara. La la la la la la la la la. Son harakiri, je dirais même. Photofuck, photofuck en plus. L'horreur, à bouler le taboulé. Moi, ce que je veux, c'est tabouler dans la maisonnée. Parce que j'aime tabouler, tu vois. Bon, ben voilà, ça y est. Je viens de me faire quand même un peu, on peut applaudir. Franchement, je viens de me faire une heure de n'importe quoi. De nawak. De n'importe quoi, nawak. Ah, en plus, j'ai la jambe. Oh, ça y est, elle est coincée. Comment je vais faire pour entrer chez moi avec une jambe coincée, quoi? Je se demandais. Allez, j'arrête de raconter mes problèmes. À vous. Vos problèmes donc étaient donc ce soir d'être à l'écoute d'une antenne libre. Ah, sinon mourir. Voir mourir, hein. Bon, libre, voir mourir. Et ensuite, je dirais même que cette antenne, donc Canal Sud, vous remercie de son écoute à vous-même, pardon, de leur écoute à vous, de vous, à votre écoute, pardon. Et ensuite, donc, on vous remercie tous ici et ici. Bon, en tout cas, c'était l'émission Nuisance, Nuisance, avec un S entre parenthèses à la fin. Donc sous-intitulé bruit avec un S entre parenthèses à la fin. J'ai besoin de préciser autre chose. Peut-être que je vais vous mettre le PC. C'est-à-dire. Voilà, je suis vraiment désolé. Vraiment. Vous devez l'entendre sûrement dans ma voix, je suis quelqu'un de très désolé. Et voilà, donc je vais me désoler. Merci à vous d'avoir écouté cette impatience.